Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle El Khoury Babit, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis Sahraoui. 1986, l'année où je suis né, je défends les droits de l'homme pour faire un peu d'espace libre. On pourrait pratiquer tous les droits. En plus, je défends les droits économiques et sociaux. Vraiment, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, mais dans ce cas, je pense que je trouve une bonne méthode parce que déjà, j'ai fait une petite stratégie. Merci. Au revoir.